Par un vampire, que des loups dans l'empire, on veut pas te voir jouer là. Sur le pont, je sais v'là le fuego. Allumer des pilons de la taille de Valbuena. Wesh, ma gueule à Cancas, calibré devant le sas, et je l'ouvre et je loue. Et les mythos sont ta cousin, je te braque en face, fais le mou, fais le mou. Je suis elle, gosse, Satan, balistique, pose pas tes mains sur la crosse, battant. Frère, ils aiment trop Satan, calibre en bouche, c'est tempéré, ta brosse à dents. J'm'envoie des famicots, le fond du bol de riz, la fin des haricots. Ici à les gramigos, pour pacter c'est Paris, c'est pas des Haribo. Un calibre en tes mains, fais ce que t'as à faire. Un daron, une villa, fais ce que t'as à faire. On dort plus, tu dors pas, fais ce que t'as à faire. Voilà, voilà, voilà, fais ce que t'as à faire. Un frérot, une grosse peine, fais ce que t'as à faire. Quand ils sont une centaine, fais ce que t'as à faire. T'as plus de vœux des vainqueurs, fais ce que t'as à faire. Roulette, rousse, t'as qu'une chance, fais ce que t'as à faire. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. On m'appelle Touchcar, freestyler de tout part. Réponds la Blue Magic, puis craveur de calcaire. Verso man, verso, la conquête de Palerme. Shibani, Shibaner, ni problème de salaire. Ni daron dans sa jet, photo t'es une galère. Chauchard a voulu me saboter qu'il a niqué sa mère. On m'appelle en pom pom, esquiver le point com. Si je te dis, c'est que je le fais, tu verras que les points com. Tiens qu'on m'appelle pom pom, femme de Bangkok. J'ai deux mains pour gifler tout le monde, j'ai besoin d'un grand stock. Quand je crois, je fais du bruit, ma fesse nous tape pas. Tu vois déjà mon flow, ma voix, t'as qu'à m'appeler pom pom. Pendant que j'y ai, avant de briller. Patate de croix, ta bête, une tasse d'entier. Talent plié, avant de crier. J'ai sali mon visage dans les tranchées, avant de briller. Les doigts sur le côté, j'encule le reste. Point de mort, le rap français m'esquive comme la peste. One, two, check, test, contre tes gestes. Ok, USA, j'suis le best of the best. Fiazo. Un calibre en tes mains, fais ce que t'as à faire. Un daron, une villa, fais ce que t'as à faire. On dort plus, tu dors pas, fais ce que t'as à faire. Voilà, voilà, voilà, fais ce que t'as à faire. Un frérot, une grosse peine, fais ce que t'as à faire. Quand ils sont une centaine, fais ce que t'as à faire. T'as plus de vœux des vainqueurs, fais ce que t'as à faire. Roulette, rousse, t'as qu'une chance, fais ce que t'as à faire. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le mou, fais le mou. Sors le pompe, sors le pompe.